Chapitre 46e, suite. Pour être à la hauteur de mon emploi, il fallait bien que je fusse capable de conjecturer avec quelque justesse. Souvent, j'étais si sûr de mon fait que non seulement je déclinais, ex abrupto, les noms et la demeure des voleurs, mais qu'encore je traçais leur signalement avec précision en indiquant la manière dont ils s'y étaient pris pour effectuer le vol. Le vulgaire, qui ignore les ressources de la police, ne concevait pas que l'on pût être innocent et avoir tant de perspicacité. Pour quiconque n'est pas accoutumé à réfléchir, l'illusion était telle que sans la moindre malveillance à mon égard, il était fondé à supposer une connivence qui n'existait pas. Mais une franche moitié des habitants de Paris se figuraient que j'avais le don de tout voir, de tout entendre, de tout savoir. Et ce n'est pas exagéré de le dire, à leurs yeux j'étais comme le solitaire. Aussi invoquait-on mon assistance à tout propos, et trois quarts du temps pour des objets qui n'étaient pas de ma compétence. On ne se fait pas d'idée de la bizarrerie des réclamations qui m'étaient adressées. Il faut avoir assisté à l'une de ces audiences durant lesquelles le public était admis dans le bureau de sûreté. Un paysan entrait. « Monsieur, je sommes allés me promener au jardin des plantes et tandis que j'étions à regarder les bêtes, voilà qu'un monsieur, qui était mis comme un prince, m'a demandé si je n'étions pas de la Bourgogne. Je lui ai répondu que oui. Là-dessus, il m'a dit qu'il était de Joigny et marchand de bois de son état. » Nous nous sommes reconnus pays, si bien que de fil en aiguille, il a proposé de me faire voir la tête de mort. Il était ma foi bien honnête, je puis vous l'assurer. Moi, qui ne me doutions de rien, je me sommes laissé gagner aller chez lui. Je sommes sortis du jardin et voilà qu'en passant à la grille, il en rencontre des autres. Il y en a un que c'était un marchand de toile. Ils étaient deux, n'est-ce pas? Un jeune et un vieux. Oui, monsieur. Le vieux avait amené des vins à l'entrepôt. Ah oui, monsieur. Je vois votre affaire. Ils vous ont enfoncé. « Vous l'avez ma foi dit, mon brave monsieur, 3 000 francs qu'ils m'ont pris, 1 000 écus en belles pièces de 20 francs. Ah, c'était de l'or, ne vous l'ont-ils pas fait cacher? Je crois bien qu'ils me l'ont fait cacher, si bien caché que je ne l'ai plus retrouvé. C'est cela, je connais vos hommes. Dites donc, Goury, c'était à l'un de mes agents que j'adressais la parole, ne serait-ce pas Hermel, des planques et le père de famille? L'agent, somme à tout l'air de cela. N'y avait-il pas parmi eux un long nez? Oh oui, bien long. Je vois que je ne me trompe pas. Oh non! Que vous avez, Morgane, bien mis le doigt dessus du premier coup. Il y en a qui rencontrent à deux fois. Un long nez. Ah, monsieur Vidocq, que vous êtes bon enfant. À présent, je ne suis plus si inquiet. Et pourquoi? Puisque c'est de vos amis qui m'ont volé, il vous sera bien aisé de retrouver mon argent. Tâchez seulement que ce soit bientôt, si ça pouvait être aujourd'hui. Nous n'allons pas si vite en besogne. C'est que, voyez-vous, j'ai absolument besoin de retourner au pays. J'ai fait faute à la maison. J'ai ma femme qui est toute seule. Avec ça que c'est dans 4 jours la foire à Auxerre. « Oh, vous êtes pressé, mon bonhomme ?»« Oui, que je le suis, mais écoutez, on peut s'arranger. Donnez-moi simplement 1 500 francs tout de suite et je vous tiendrai quitte du reste. C'est-y ça, parler ? J'espère que ça ne peut pas être plus accommodant. »« C'est vrai, mais je ne fais pas de marché de cette espèce. Il ne tiendrait qu'à vous, pourtant. » Le bourguignon entendu venait le tour d'un chevalier de Malte qui vraisemblablement avait obtenu des dispenses pour le mariage, car il était accompagné de sa noble moitié qui amenait sa bonne avec elle. Le chevalier. « Monsieur, je suis le marquis du Boisblé, ancien émigré, ayant donné des preuves non équivoques de mon attachement à la famille des Bourbons. »« Moi. Cela vous fait honneur, monsieur, mais de quoi s'agit-il ? » Le chevalier. « Je viens ici pour vous prier de vouloir bien faire rechercher et arrêter sur le champ mon domestique, qui est disparu de chez moi avec une somme de 3 750 francs et une montre d'or guillochée à laquelle je tiens beaucoup. »« Moi. Est-ce là tout ce qui vous a été volé ? » Le chevalier. « Je le présume. » « Madame, il aura sans doute pris autre chose. Vous savez bien, marquis, que depuis longtemps il n'y avait pas de jour qu'il ne vous manquât tantôt un objet, tantôt un autre. » Le chevalier. « C'est vrai, madame la marquise. Mais pour le moment, ne réclamons que nos 3 750 francs et la montre. Et d'abord la montre. Il me la faut, à quelque prix que ce soit. Il suffit qu'elle m'ait été donnée par feu madame de Bellerbelle, ma marraine. Vous sentez bien que je ne veux pas la perdre. » « Moi. Il est possible, monsieur, que vous ne la perdiez pas. Mais au préalable, je vous serai obligé de me donner les noms, prénoms et signalements du domestique. » Le chevalier. Son nom? Ce n'est pas difficile, il s'appelle Oran. Moi. De quel pays est-il? Le chevalier. Je pense qu'il est de la Normandie. Madame. Vous êtes dans l'erreur, mon ami. Oran est champenois. J'ai 20 fois entendu dire qu'il était né à Saint-Quentin. Au surplus, Cunégonde va nous éclaircir sur ce point. Se tournant vers sa bonne. Cunégonde. Oran n'était-il pas de la Champagne? Cunégonde. « Je demande pardon à madame la marquise, je crois qu'il était de la Lorraine. Quand on lui écrivait, c'était toujours de Dijon. Moi. Vous me semblez peu d'accord sur son lieu de naissance. Et puis Laurent, ce n'est probablement qu'un nom de baptême. Et il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin. Il serait nécessaire que vous m'appréciez son nom de famille, ou tout au moins que vous me fissiez de sa personne une description assez détaillée pour qu'on puisse le reconnaître. Son nom de famille? J'ignore s'il en avait un. Ces gens-là n'en ont pas. D'ordinaire, ils ont celui qu'on leur donne. Je l'appelais Laurent, parce que cela me convenait, et parce que c'était le nom de son prédécesseur. Cela se transmet avec la livrée. Quant à son pays, ne vous l'ai-je pas dit? Il est normand, champenois, picard ou lorrain. Pour ce qui est de sa personne, sa taille est ordinaire, ses yeux... Mon Dieu, il a des yeux comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme mademoiselle. Son nez n'a rien de remarquable. Sa bouche est... Je n'ai jamais fait attention à sa bouche. On a un domestique, c'est pour se faire servir. Vous sentez bien qu'on ne le regarde pas. Autant que je crois m'en être aperçu, il était brun ou châtain. Madame, mon ami, j'ai quelque idée qu'il était blond. Cunégonde, blond d'Égypte, il était roux comme une carotte. Le chevalier, c'est possible, mais ce n'est pas là l'important. Ce que monsieur a besoin de savoir, c'est qu'avant le vol, je l'appelle Laurent. Il doit encore répondre à ce nom, s'il n'en a pas pris un autre. Moi, ceci est fort juste. Monsieur de la Palice n'aurait pas dit mieux. Cependant, vous conviendrez que pour me guider dans mon exploration, quelques données un peu moins vagues me seraient indispensables. Le chevalier. Je ne saurais vous en apprendre davantage, mais à mon compte, cela doit vous suffire. Avec un peu d'adresse, vos hommes auront promptement fait raison du drôle. Ils sauront bientôt où il est à dépenser mon argent. Moi. Je serai infiniment flatté de pouvoir vous être agréable, mais, sur d'aussi faibles indices, comment voulez-vous que je m'embarque? Le chevalier. Pourtant, j'arrive ici avec des renseignements tellement positifs que vous n'avez, il me semble, qu'à vouloir. C'est de la besogne toute mâchée que je vous apporte. Peut-être ne vous ai-je pas dit son âge. Il peut avoir de 30 à 40. Cunégonde. Il n'était pas si vieux, monsieur le marquis. Il n'avait pas plus de 24 à 28 ans. Le chevalier. 24, 28, 30, 40. Ceci est indifférent. Moi. Pas autant que vous le supposez. Mais, monsieur, ce domestique vous vient de quelque part. Sans doute il vous a été ou recommandé ou procuré par quelqu'un. Le chevalier. Par personne, monsieur, c'est un cocher de cabriolet qui me l'a envoyé, voilà tout. Moi, avait-il un livret? Le chevalier. Non, assurément, il n'en avait pas. Moi, il avait bien quelques attestations, des certificats. Le chevalier. Il m'a montré des papiers, mais tout cela ne signifie rien, je n'y ai pas pris garde. Moi. En ce cas, comment voulez-vous que je trouve votre voleur? Vous ne m'offrez rien, absolument rien, qui puisse me mettre sur la trace. Le chevalier. En vérité, vous êtes plaisant. Je ne vous offre rien. Voici près d'un quart d'heure que je prends la peine de m'entretenir avec vous. J'ai répondu à toutes vos questions. S'il faut vous mettre les voleurs dans les mains, autant qu'il n'y ait pas de police. Ah, ce n'est pas là, monsieur de Sartine. Je ne lui aurais pas dit la centième partie de tout ce que je viens de vous dire, et mon domestique, ma montre, mon argent seraient déjà retrouvés. Moi, c'était un grand sire que monsieur de Sartine. Quant à moi, je ne me charge pas d'opérer de ces miracles-là. Le chevalier. Eh bien, monsieur, je vais de ce pas chez le préfet me plaindre de votre insouciance. Puisque vous refusez d'agir, mes amis du côté droit, les députés de ma province, sauront que la police n'est bonne à rien, et ils le répéteront à la tribune. J'ai du crédit, de l'influence, j'en userai, et nous verrons. Moi. Allez, monsieur le marquis, bon voyage. À cet enragé gentillâtre succède un homme en blouse. Le garçon l'introduit. C'est-il ici qu'est le maître des mouchards? C'est-il là qu'on attrape si bien les voleurs? Approchez, mon ami, que voulez-vous? Ça que je veux, c'est une montre d'argent qu'on m'a chipée tout à l'heure sous une place. Voyons, mon brave homme, comment cela s'est-il passé? Comptez-moi cela au plus juste. Vous saurez donc que je m'appelle Louis Virloubet, paysan cultivateur et vigneron à la Conflans-Sainte-Honorine, marié bien légitimement, père de famille, avec 4 enfants, et mon épouse qui est leur mère. Étant venus à Paris pour acheter de la futaille, j'allais mon chemin, tout à coup, en passant sous une place qui n'est pas loin d'ici, voilà Tipa, sauf votre respect, qu'il me prend fin de pisser. Je m'arrête devant un mur, je déboutonne ma culotte, et je ne suis pas aux en train de lâcher un filet d'eau, qu'on me frappe sur l'épaule. Je me retourne, c'était une demoiselle, qui me dit comme ça, « C'est-y toi, mon ami Théodore ?»« Oui, c'est toi, » qu'elle reprend, « bien que je t'embrasse. » Là-dessus, avant que j'eus parlé, elle me baise et pour l'or, elle me propose une bouteille de vin. Moi qui suis vigneron, vous n'en ignorez pas que les vignerons sont toujours prêts à boire, je ne demande pas mieux. Elle m'annonce qu'elle a une camarade et qu'elle va la chercher. Je lui réponds, c'est bon, allez, mais ne soyez pas longtemps. Elle s'en va et moi, je suis à l'attendre en attendant. Ne la voyant pas revenir, je perds patience. Je veux tirer ma montre pour savoir l'heure qu'il est. Je t'en fiche, il n'y avait pas plus de montre que de beurre sur ma main. Plus de doutance, je suis attrapé. Ma montre, elle est partie sans me dire adieu. Je cours, mais je n'en trouve plus la demoiselle. Et des messieurs à qui je me suis attaqué m'ont dit de venir ici, que votre bande me retrouverait ma montre d'argent de 55 francs que j'ai achetée à Pontoise. Chez un horloger zacanthième calé comme une divinité, marquant les jours du mois avec un cordon en cheveux de ma fille tressé à la main qui n'est rien de si beau. Avez-vous remarqué à peu près quelle est la tournure de la femme qui m'a volé? Oui. Elle n'est pas trop vieille, c'est pas une jeunesse non plus. Elle est comme le lard de poitrine, ni trop grasse ni trop maigre, entre le ziste et le zeste. C'est une particulière qui peut avoir autour de 5 pieds, moins 8, moins 9 pouces, je dis ça là environ. Avec un bonnet de dentelle, le nez à la retroussette, un peu gros. Voyons comme il est gros son nez, que je vous le dise. Tenez, approchant comme ça de poire qui est sur votre papier de marbre, pour l'empêcher de s'envoler. Si c'est pas ça, il s'en faut pas d'un crin de cheval. Avec un jupon rouge, des yeux bleus, et une tabatière en écaille à la rose fondue. Que ça sent bon tout plein. Vous me rapportez là des particuliers bien singulières. Ce sont des ragots que vous nous fabriquez. Je suis convaincu que ce n'est pas sur la voie publique que vous avez été volé. Car pour que vous ayez observé tous ces détails, vous avez dû voir la femme longtemps et de très près. Allons, au lieu de nous faire des narrés qui n'ont pas le sens commun, avouez que vous êtes laissé entraîner dans une maison de débauche, et que tandis que vous donniez un coup de canif dans le contrat, votre montre a disparu. Je vois bien qu'on peut rien vous cacher. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi me faire un compte? C'est qu'on m'a dit qu'il fallait dire comme ça pour retrouver ma montre à 1/10 d'argent de 55 francs. Pourriez-vous indiquer la maison où vous êtes allé avec cette femme? Oh, pour ça, oui. C'est une maison au premier, dans une chambre avec une table faisant le coin de la rue. Voilà, ma foi, des renseignements bien précis pour arriver à la découverte. Ah, tant mieux. Je retrouverai ma montre, n'est-ce pas, monsieur? Je ne dis pas cela, car vous m'avez donné un signalement si baroque. Comment? Est-ce que je viens pas vous dire tout à l'heure, à la minute, qu'elle avait des yeux rouges? C'est-à-dire, s'entend, un jupon rouge, avec des yeux bleus et un bonnet de dentelle. C'est-il pas clair, des dentelles? Et puis je ne me souviens pas de la couleur de ses bas, mais je sais bien qu'elle avait des ficelles à ses jarretières et que ses souliers tenaient avec. Après ça, il n'y a pas besoin de vous mettre les points sur les i. Vous savez ce que parler veut dire. Sitôt que vous m'aurez fait rendre ma montre, je vous paierai shopping et encore 10 francs que je donnerai pour voir avec vos camarades. Un grand merci, je n'agis pas par intérêt. Tout cela est bel et bon, il faut que le prêtre vise de l'hôtel, il faut que chacun vise de son métier. On ne vous demande rien. C'est bien, mais vous me la ferez rendre, ma montre, 1/10. Oui, si on nous la rapporte, je vous la renverrai. Je compte sur vous, au moins. N'allez pas me mettre dans la boîte aux oublis. Soyez tranquille. Bien le bonjour, monsieur le maître. Au revoir. Oui, jusqu'à la prochaine occasion. Le vigneron congédié, avec tout l'espoir que méritait l'attentat conjugal qu'il avait à se reprocher, je vois entrer un de ces bons boutiquiers de la rue Saint-Denis, dont le front, tout insignifiant qu'il est, remet pourtant mémoire la métamorphose du pauvre Actéon. Monsieur, c'est le bourgeois qui parle. Je viens vous prier de vous mettre de suite à la recherche de ma femme qui est décampée d'hier soir avec mon commis. J'ignore la route qu'ils ont prise, mais ils ne doivent pas être allés loin car ils ont emporté du butin. Argent et marchandises, ils ont tout enlevé. Et on ne les rattrapera pas. Oh si, on les rattrapera. J'y perdrai plutôt mon latin. Je suis sûr qu'ils sont encore dans Paris, et si vous mettez promptement à leur poursuite, nous les aurons. Je vous ferai observer que nous ne partons pas comme cela du bonnet. Il nous faut un ordre pour marcher. Commencez par porter contre madame votre épouse et contre le ravisseur une plainte en adultère, dans laquelle vous accuserez ce dernier de vous avoir soustrait des effets et des marchandises. Ah oui, je porterai une plainte, et tandis que je m'amuserai à la moutarde, les traîtres gagneront au large. C'est probable. Des lenteurs pareilles lorsqu'il y a péril. Enfin, ma femme est ma femme. Chaque jour, chaque nuit, le délit devient plus conséquent. Je suis mari, je suis outragé, je suis dans mon droit. Elle n'aurait qu'à me faire des enfants. Qui sera le père? Ça ne sera pas le père, ça sera moi. Non, puisqu'il n'y a plus de divorce, la loi doit avoir tout prévu. Eh, monsieur, la loi n'a rien prévu. Il y a une forme prescrite et on ne peut pas s'en écarter. Elle est jolie, la forme. S'il en est ainsi, c'est bien le cas de le dire que la forme emporte le fond, pauvre mari. Je sais bien que vous êtes à plaindre, mais je n'y puis rien. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Ah, monsieur Jules, vous qui êtes si obligeant, rendez-moi le service de les faire arrêter aujourd'hui même. Prenez cela sur vous, je vous en conjure. Ne me refusez pas, vous verrez que vous n'en serez pas fâché. Je vous répète, monsieur, que pour faire ce que vous désirez, il me faut un mandat de l'autorité judiciaire. Allons, je ne le vois que trop, on me ravit ma femme et ma fortune. Qui protège-t-on? Le vice. C'est bien digne de la police. S'il s'agissait d'arrêter un bonapartiste, vous seriez tous en l'air. Il s'agit d'un mari trompé, on ne bouge pas. C'est un plaisir de voir comme la police se fait. Aussi, quand vous me reverrez, il fera chaud. Ma femme peut revenir quand il lui plaira. Si on l'enlève de nouveau, ce n'est pas à vous que je m'adressais. Dieu m'en garde. Le mari se retire, fort mécontent, et l'on vient m'annoncer qu'une espèce d'original sollicite de moi un moment d'entretien. Il paraît. C'est un long corps, un long habit, un long gilet, de longs bras, de longues jambes, et une face longue, blême, glaciale, décharnée, emmanchée d'un long cou raide, comme l'ensemble de la longue figure à laquelle il appartient. Le tout semble se mouvoir par des ressorts. À la vue de cet automate, de sa queue de morue qui lui battait sur les talons, de ses guêtres flottantes, de son jabot ramassé, de son collar à bas, de ses manchettes sans fin, de son grand parapluie et de son très petit chapeau de soie, il fallut que je me tasse à quatre pour ne pas éclater au nez du personnage, tant sa mine était comique et son accoutrement grotesque. « Veuillez, monsieur, lui dis-je, prendre la peine de vous asseoir et me faire connaître le motif qui vous amène. Monsieur, j'ai présenté à vous les hommages de la part des monsieur Lowender, constable à Bow Street de la capitale de la Grande-Bretagne. Il m'est recommandé à vous pour trouver mon fame, qui faisait mot à coucou en Paris avec monsieur Giovanni, officier italien qui courait la public house. Je suis désespéré, monsieur, à l'instant, je viens de refuser de prêter l'appui de mon ministère pour une recherche toute semblable. S'il ne s'agissait que d'une exploration inostensible, en considération de monsieur Lowender, je peux vous indiquer quelqu'un qui, moyennant un salaire, fera toutes les démarches que nécessite la circonstance. Yes, yes, exploration. « Inestor Devil, je comprends, vous rendez-moi beaucoup satisfait. Donnez-moi, s'il vous plaît, les noms de votre épouse, son signalement, et tous les détails qui vous paraîtront propres à nous diriger. Pour le direction, j'ai dit à vous que ma femme, il se nomme Madame Bécoute, parce que j'ai souhaité Monsieur Bécoute, dit la famille à mon jumel de frère, qui se rappelle Bécoute, tout comme notre père qui était le Bécoute aussi. Mon femme, il a épousé moi en l'an 1815 en London. Il était bel, il était blond. Son yeux, il était black. Sa nez, il était recommandable. Son dent blanc et petit. Il avait beaucoup des mamelles. Il savait parler français encore meilleur que moi. Si vous découvrez son demeure, je ferai peindre Madame Bécot et incontinent conduit et les paquebots pour London. Je crois vous avoir dit, monsieur, que ce n'est pas moi qui me chargerai de la surveillance, mais je vous mettrai en relation avec une personne qui entrera parfaitement dans vos vues. J'y vais, allez-moi chercher le duc de Modène et dites-lui de venir de suite avec le père Martin. Le duc de Modène était le sobriquet d'un agent secret, homme de bon ton que je lançais dans les sociétés où l'on jouait. Oh, vous donnez à moi une duc? Je suis enchanté, une duc. S'il pouvait surprendre mon fame avec ce officier, la divorce que je volais, il serait comme un coup de la tonnerre. Je réponds qu'il vous fera les retrouver ensemble. Je suis même persuadé qu'il vous les fera prendre au lit, si cela vous convient. Oh, dans la lit de coucher, c'est une chose beaucoup meilleure pour le divorce. Pour l'évidence des Crimson, d'aller sur la lit ensemble. Ah, monsieur, je suis à vous beaucoup reconnaissant. Le duc de Modène ne se fit pas longtemps attendre. Dès qu'il fut entré, M. Bécoute s'est enlevé et l'ayant salué d'une triple révérence, lui parla en ces termes. « Monsieur le duc, j'avais besoin que vous rendiez service à mon épouse malheureux qui était désolée par son femme. » L'agent à qui la méprise de l'anglais n'avait pas échappé ne manqua pas de prendre l'air d'importance qui convenait au titre dont on le gratifiait. Après avoir conclu avec dignité le marché pour ses honoraires et pris note des indications que M. Bécoute était à même de fournir, il promit de se mettre immédiatement en campagne afin d'arriver à un prompt résultat. La conversation en était à ce point, lorsqu'on me remit une invitation de me rendre sur le champ au parquet de monsieur le procureur du roi. Je quittai en conséquence monsieur Bécoute et l'audience fut fermée jusqu'au lendemain. Puisque je suis en train de faire des digressions avant que je le ramène aux catégories, le lecteur ne sera peut-être pas fâché d'apprendre comment se termina l'affaire de monsieur Bécoute. À peine 48 heures s'étaient écoulées, le duc de Modène vint me dire qu'il avait découvert la retraite de l'infidèle. Elle était avec son Italien, et bien qu'ils fussent sur leur garde parce qu'ils avaient appris l'arrivée du mari, il était assuré de le mettre en présence de ce dernier au milieu des preuves flagrantes de cette intimité horizontale qui, sous le rapport de la conviction, ne laisse rien à désirer. Tandis que le duc était à m'expliquer le stratagème qu'il comptait employer, entra M. Bécoute que j'avais fait prévenir. Il était accompagné de son frère, autre caricature britannique. « Les deux font la paire, » observa tout bas l'agent. « Bonjour, monsieur Bedoc. Ah, voilà monsieur le duc. Je offre à lui mon politesse. » Monsieur le duc a une grande nouvelle à vous donner. Ah, une grande nouvelle. Vous avez trouvé. Vous pouvez dire devant monsieur, monsieur est une Bécoute, il était ma jumelle, vous avez trouvé, véridiquement trouvé. Voyons, monsieur le duc, racontez à ces messieurs ce qu'il en est. Yes, yes, racontez un peu, monsieur le duc. Eh bien oui, j'ai trouvé, et pour peu que vous le désiriez, je m'engage à vous les montrer tous les deux dans le même lit. Dans la même lit, s'écria le frère de monsieur Bécoute. C'était un miracle. Vous êtes sorcière donc, monsieur le duc? Je vous jure qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Tout cela n'est que de la physique. Yes, yes, de la physique. Ah ah, jolie physique. Puisqu'ils couchent ensemble. Yes, yes, naturel. Beaucoup naturel. Dans le même lit. Charmante cohabitation. Charmante, charmante. Répétait dans cette extasion le beau-frère de madame Bécoute, dont le mari, qui se pâmait presque d'aise, exprimait par ses contorsions et les grimaces les plus burlesques la satisfaction qu'il ressentait. Lady Bécoute et son amant avaient logé pendant quelques mois rue Feydeau chez une de ces dames qui, pour leur avantage et la commodité des étrangers, tiennent à la fois table d'hôte et d'écarté. Mais, prévoyant des persécutions à la nouvelle du débarquement des deux jumeaux, le couple adultère s'était réfugié à Belleville, où un général, des amis de la dame, leur avait donné l'hospitalité. On convint d'aller les relancer dans cet asile, et comme M. Bécoute était pressé, il fut décidé que l'on précipiterait le dénouement. Le lendemain était un dimanche. Il devait y avoir grand dîner chez le général. Et la suite du repas, suivant l'usage de la maison, on devait y donner à jouer. Le duc de Modène, connu depuis longtemps pour un adroit flibustier, avait donc un prétexte suffisant pour s'introduire dans une réunion où les Grecs étaient admis sans difficulté. Il ne laissa pas échapper l'occasion. S'étant transporté à Belleville, quand la soirée fut venue, il alla prendre place dans le salon du général jusqu'à 2 heures du matin, qu'il sortit pour rejoindre les deux frères qui, non loin de là, étaient dans un carrosse de remise. « C'est pour le coup, leur dit le duc, que le couple est dans les draps. »« Dans les draps ! » s'écria M. Bécoute. « Oui, monsieur, dans les draps. J'ai presque assisté à leur coucher. Et si vous sentez le courage de tenter l'escalade, je me charge de vous conduire jusqu'à l'alcôve. Vous n'aurez plus qu'à tirer le rideau. »« Comme vous dites ? » L'escalade ? Qu'entendez-vous, escalade ? Nous franchirons le mur du jardin. Godem, franchir. Voyez-vous, moi, monter ? La domestique, il crie à la voleur. Non, non, pas franchir. Et la patoin et la ficile, pipant, patatras, je fais des coulboutes. Et Monsieur Giovanni, bien contente. Oh, pas franchir. Cependant, si vous voulez que le délit soit matériellement constaté. Dans les Bécoutes, monsieur le duc, nous n'aimons pas la péril. Alors il faudra saisir les coupables hors de la demeure du général. C'est le moyen de ne courir aucun risque. Je sais qu'à l'issue du déjeuner, ils doivent monter dans un fiacre qui les emmènera à Paris. Vous convient-il de les prendre dans le fiacre? Dans la fiacre, yes, yes, pour prudence. Le duc de Modène, son auxiliaire le père Martin et les deux insulaires se mirent en faction pour être à l'affût du départ. Pendant qu'on était ainsi aux aguets, M. Bécoute fit 1000 questions et réflexions plus saugrenues les unes que les autres. Enfin, vers les 2 heures de l'après-midi, un fiacre s'arrête à la porte. Au bout d'un instant, il s'ouvre pour recevoir Mme Bécoute et son cavalier. On croirait qu'à cette vue, M. Bécoute n'aurait plus été maître de contenir son indignation. Il ne sourcilla pas. Les maris anglais sont étonnants. Vous voyez, dit-il à son frère, vous voyez, mon femme avec son amant. Oui, oui, je voyais. Il était dans les voitures. On était averti que le fiacre se dirigerait sur la rue Feydeau. Les Anglais ordonnèrent à leur cocher de fouetter afin de gagner les devants, et quand ils furent à hauteur de la porte Saint-Denis, à l'endroit où une montée conduit au boulevard Bonne-Nouvelle, ils mirent pied à terre. Bientôt ils aperçoivent le fiacre. Il va au pas. Les agents s'avancent pour l'arrêter, et M. Bécoute, en ayant ouvert la portière, « Ah, bonjour » dit-il avec un flegme inconcevable. « Monsieur, je demande à vous pardon. Je venais prendre mon femme, qui vous cacholait à mon place. »« Allons, madame !» ajouta le frère. « C'était temps pour nous pour faire plus coucou. Venez avec !» Gaviani et Madame Bécoute sont terrifiés, sans répondre, ils descendent tous deux, et pendant que l'Italien acquitte le prix de la course, contrainte d'obéir, l'infortuné Lady est impitoyablement installée dans le carrosse entre les deux Bécoute, en face des deux estafiers. Tout le monde était silencieux. Tout à coup, Madame Bécoute, revenue peu à peu de sa terreur, s'élance à la portière. « Gaviani, Gaviani » crie-t-elle. « Mon ami, sois tranquille. Je ne t'abandonnerai qu'à la mort. »« Taisez-vous, Madame Bécoute !» lui dit froidement son mari. « J'ai ordonné vous la silence. Vous êtes une méchante femme. Vous êtes assez hardie pour appeler Monsieur Gaviani. Vous êtes une félon, oui, madame. Vous êtes une grand félon. Je ferai mettre vos dents dans le black hole. Vous ne ferez rien. Je ferai, répétait-il, en balançant sa tête entre les manches de deux parapluies, dont les crosses en corne de cerf formaient pour son front un singulier accompagnement. Monsieur Bécoute, tout ce que vous ferez est inutile. Ah, mon cher Gaviani. Encore Gaviani, toujours Gaviani. Oui, toujours. Je vous déteste, je vous abhorre. Vous êtes mon femme. Mais regardez-vous donc, monsieur Bécoute, êtes-vous fait pour avoir une femme? D'abord vous êtes laid, ensuite vous êtes vieux, vous êtes ridicule et vous êtes jaloux. Je suis jalouse légalement. Vous voulez faire prononcer le divorce? N'est-il pas tout prononcé? Je vous fuis. Que demandez-vous de plus? Je veux être coucou légalement. Vous voulez du scandale? Vous voulez faire coucou moi ton fantaisie? Je voulais à la mienne. Je voulais te coucou avec les justices, à la publique, avec une sentence. Vous êtes un monstre à mes yeux, vous êtes un tyran, jamais je ne resterai avec vous. Vous resterez avec les prisons. Vous ne mourrez pas vivante. Et en proférant cette menace, elle faisait semblant de vouloir se déchirer la figure. Tiens-lui les mains, mon frère. Le frère se mit effectivement au devoir de lui tenir les mains, alors elle se débattit quelques instants, puis elle parut se calmer. Mais l'étincelle de ses regards trahissait sa colère et les feux dont elle brûlait. Rouge, enluminée, et pourtant belle encore, autant que la passion peut l'être, près de ses mines hétéroclites, à côté de ses visages immobiles et morfondus, elle avait l'air de la reine des bacchantes entre deux magots, ou plutôt d'un volcan d'amour entre deux pics de glace. Quoi qu'il en soit, le retour de M. Bécoute à l'hôtel où il logeait, rue de la Paix, fut un triomphe. Son premier soin fut d'enfermer le lutin dans une chambre dont il ne confia la clé à personne. Mais quand son mari s'est fait le geôlier de sa femme, il est si doux à celle-ci de tromper sa vigilance. On connaît la chanson, malgré les verrous et les grilles, etc. Le troisième jour de cette captivité conjugale, Madame Bécoute, à ce qu'il paraît, s'ennuya d'être en cage. Le quatrième, je fis une visite à M. Bécoute. Il n'était pas midi. Je le trouvai à table avec son frère en face d'un plum pudding et d'une douzaine de bouteilles de champagne dont ils avaient déjà fait sauter les bouchons. « Ah, bonjour, monsieur Bydock. Il était beaucoup de politesse à vous pour venir nous voir. Vous boirez de la champagne? Je vous remercie, je n'en bois jamais à jeun. Vous n'étiez pas une bonne anglaise. Eh bien, voilà au comble de la joie. Le duc de Modène vous a rendu votre femme, je vous en fais mon compliment. » Complimente, Gordon. Il était encore envolé, Madame Bécoute. Et quoi? Vous n'avez pas su la garder? Il était envolé, je vous dis, il a fait long. Puisque c'est ainsi, n'en parlons plus. Non, plus parler. Toujours boire le champagne. Il n'était pas fait long. Ces messieurs insistèrent de nouveau pour que je leur tinsse compagnie, mais comme j'avais besoin de garder mon sang-froid, je les priai de me dispenser de la rasade, et après leur avoir fait agréer mes salutations, je pris congé d'eux. Sans doute qu'ils ne tarderont pas à être sous la table. C'est là qu'un bon anglais cuve rondement son chagrin. A-t-il disparu entre les pintes et les brocs, si, pendant qu'il dort, on lui crie coucou et qu'à son réveil, en le montrant au doigt, on dit « Ah, le voilà, il rigeonne !» Et plutôt que de cacher sa tête, le Mossad se fâche. Il provoque une enquête. On prononce un divorce. À qui la faute? À Gaviani, à Bergami, à la princesse, au dieu qui la fit si belle? Non. À qui donc? Au porteur, au porto, au bordeaux, au champagne, enfin à Bacchus. Sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Mais que m'efforcerai-je de percer le brouillard qui enveloppe des mœurs qui ne sont pas les nôtres? Nous vivons sur les rives de la Seine. Ne nous inquiéterons pas de ce qui se passe au bord de la Tamise. Peut-être quelques vidocs britanniques vaudra-t-il un jour nous l'apprendre. Jusque-là, je me borne à l'épisode de M. Bécoute que je ne vis plus et je reviens à mes moutons, c'est-à-dire aux catégories.